Les nuances à noter concernant cette annulation de l'islam. Mais une fois que ce principe est établi, il faut cependant noter certaines nuances qui s'y rapportent. 1. Ceux qui jugent musulman un polythéiste, car ils ne sont pas informés du fait que ce polythéiste a commis du polythéisme. Ceux-là sont excusés et irréprochables, sauf lorsqu'il s'agit d'un polythéiste célèbre et connu, tant auprès de la populace que des spécialistes, comme par exemple le cas des mécréants célèbres comme le pape, le président des États-Unis, ou encore le roi du Maroc, ou le président d'Algérie, etc. On ne pourra jamais croire quelqu'un qui prétend ne pas être au courant qu'ils ne sont pas musulmans et qu'ils commettent de la mécréance. Mohammed ibn Abdel Wahhab a dit, et s'il dit, nous ne les avons pas vus commettre cette mécréance, nous lui répondrons que tu n'as pas non plus vu la mécréance de Pharaon et de Haman, ni d'Abu Jahl, ni d'Abu Lahab, et tu n'as pas vu non plus l'injustice d'Al-Hajjaj, ni ceux qui ont bastonné l'imam Ahmed, et pourtant tu témoignes de tous ces événements. S'il réplique en disant, mais cela, leur cas est rapporté de manière avérée par des masses des gens, nous lui répondrons, la mécréance de ces gens-là et leur prétention à la seigneurie d'Allah est également rapportée tant que par la populace que les spécialistes, tant par les hommes que par les femmes. 2. Ceux qui savent que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas vraiment musulman, mais lui donne le nom de musulman dans le sens où c'est un soi-disant musulman, ou un musulman de titre seulement, ou encore un musulman sur les papiers seulement, sans pour autant croire qu'il soit vraiment sur la religion de l'islam. Ceux-là ne sont pas mécréants et ne sont pas concernés par cette annulation de l'islam. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah a déjà utilisé ce genre d'expression lorsqu'il dit « Il y a donc quatre catégories. Soit quelqu'un qui adore un autre qu'Allah et implore son aide, même s'il est musulman, car le polythéisme est plus subtil encore qu'une patte de fourmi dans cette communauté. » Et Mohammed ibn Ibrahim al-Shir dit « L'islam de la plupart des gens aujourd'hui est un islam dans le nom uniquement. » La plupart de ceux qui s'affilient à l'islam se sont appelés musulmans que par opposition aux juifs et aux chrétiens. Celui en qui on trouve ce qui invalide l'islam, son islam ne sera qu'un simple nom. Il n'y a aucun amour pour lui, ni aucune faveur. 3. Celui qui croit également que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman et qu'il n'est pas sur la même religion que lui, sauf qu'il ignore quel nom lui donner. C'est-à-dire, il ne connaît pas le mot « mushrik » ou « kafir » ou « watani » ou « jahili » etc. Mais il sait que cette personne est dans une religion fausse et non dans la vraie religion. Celui-ci est musulman aussi tant que les preuves ne lui sont pas apportées. Shir Abu Bataïn dit « Mais le simple musulman qui ne connaît pas les preuves, s'il est convaincu de l'unicité du Seigneur et de la prophétie de Mohammed et qu'il croit en la résurrection après la mort, au paradis et à l'enfer, et que ces idolâtries commises dans ces monuments sont vaines et égarements, et qu'il en est convaincu catégoriquement, sans l'ombre d'un doute, alors c'est un musulman, même s'il ne connaît pas les preuves, car la populace des musulmans ne sont généralement pas capables de comprendre les preuves. Et comme cela fut rapporté dans le hadith, d'après Abi Umama qui dit « Amr ibn Abbas Sulami dit, alors que j'étais dans l'époque du paganisme, je trouvais que les gens étaient dans l'égarement et qu'ils n'étaient sur rien du tout alors qu'ils adoraient les idoles, rapporté par Muslim. Ainsi que le hadith, d'après Asma, fille d'Abu Bakr, qu'Allah les agrée tous les deux. Elle dit, j'ai vu Zayd ibn Amr ibn Nufail, debout dos à la Kaaba, dire, ô habitants de Quraysh, par Allah, nul d'entre vous n'est sur la religion d'Ibrahima par moi, rapporté par le Bukhari. Ces hommes étaient musulmans avant de rencontrer le prophète. Ils savaient que les polythéistes n'étaient sur aucune religion juste et qu'ils n'étaient pas sur la religion d'Ibrahim, bien qu'ils n'ont pas clairement utilisé des termes comme mushrik ou kafir ou watani ou autre. D'ailleurs, celui qui atteste que le polythéiste est un polythéiste, mais pense qu'il fait tout de même partie des gens de la vraie religion, c'est un mécréant et ça ne lui sert à rien de dire que ce polythéiste est un polythéiste. Cela nous montre que ce qui importe, c'est de savoir que ce polythéiste est sur une religion fausse et hors de la religion musulmane, et non pas de savoir quel nom lui donner. 4. Celui qui sait que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman, que c'est un associateur, un mushrik, mais qui ignore si oui ou non la preuve lui a été établie, et se retient de le juger comme un mécréant. Or, nous avons déjà vu la différence qu'il existe entre juger un homme polythéiste et entre le fait de le juger comme un mécréant. Celui-là ne sort pas de l'islam tant que les preuves ne lui sont pas établies. Mohammed ibn Abdel Wahhab dit, à l'attention des deux frères, Salamu alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après quoi, la parole du shirk que vous avez mentionnée, que quiconque renie telle ou telle chose, et que la preuve lui est établie. Puis, maintenant vous doutez au sujet de cet tawarit, est-ce que la preuve leur a été établie? Ceci est très étonnant. On voit ici que les élèves du shirk avaient des doutes concernant certains tawarit. Ont-ils reçu les preuves que quiconque rejette devient mécréant ou non? Mais ils ne doutaient pas que c'était des tawarit et des polythéistes pour autant. Ses élèves savaient que ces tawarites étaient des tawarites. Ils les prenaient pour des tawarites et ne les considéraient pas comme des musulmans. Mais ils avaient un doute sur le fait de savoir si oui ou non les preuves leur avaient été établies. Et est-ce qu'on agit envers eux comme des mécréants? Car le mécréant, c'est celui qui refuse les preuves lorsqu'elles lui parviennent. Et comme nous l'avons déjà expliqué, ce n'est pas parce qu'un homme est polythéiste et non musulman qu'il a forcément refusé la religion d'Allah, ni qu'il ne s'y intéresse pas. Il se peut qu'il soit tout simplement dans une situation où il est incapable de l'apprendre. Aussi, Cheikh Abdullah Abu Boutain dit, de la part d'Abdullah ibn Abdelrahman Abu Boutain à l'attention de l'honorable frère Abdullah ibn Shumar, qu'Allah le salue et le protège et lui accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après quoi, quant à ce que tu as posé comme question, est-il possible de désigner une personne précise comme étant coupable de mécréance et lorsqu'elle commet une apostasie? Eh bien, ce que nous indique le Coran et la Sunna ainsi que l'unanimité des savants, c'est que ce qui est semblable au polythéisme dans l'adoration d'Allah est du kufr. Et ce que je constate dans ces textes-là, c'est que les savants n'ont pas banni de l'islam ces étudiants qui se demandaient s'il était permis de juger certains polythéistes comme des mécréants ou non. Il faut remarquer que dans les propos du Shir, qu'il critique ses élèves pour le fait de ne pas donner le nom de mécréant sur ses tawarites. Par contre, les noms de tawarites et de polythéistes, le Shir et ses élèves leur donnent ces noms. C'est pour ça que tu dois toujours faire attention au Shir lorsqu'il dit qu'un polythéiste n'est pas mécréant. Aussi, Shir Abdullah Abu Boutain dit, de la part d'Abdullah ibn Abdelrahman Abu Boutain à l'attention de l'honorable frère Abdullah ibn Shumair, qu'Allah le salue et le protège et lui accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après quoi, quant à ce que tu as posé comme question, il est possible de désigner une personne précise comme étant coupable de mécréance lorsqu'elle commet une apostasie. Eh bien, ce que nous indique le Coran et la Sunna ainsi que l'unanimité des savants, c'est que ce qui est semblable au polythéisme dans l'adoration d'Allah est du kufr. Et ce que l'on constate dans ces textes-là, c'est que les savants n'ont pas banni de l'islam ces étudiants qui se demandaient s'il était permis de juger certains polythéistes comme des mécréants ou non. 5. Celui qui sait que celui qui adore un autre qu'Allah n'est pas musulman et qu'il n'est pas excusé par l'ignorance ni autre prétexte sauf la contrainte, mais il refuse d'appliquer cela sur une personne par favoritisme. Il lui donne des excuses qu'il n'aurait pas données à un autre que lui. Celui-là est mécréant également. Shir Sulayman ibn Abdullah el Shiradi. S'il dit, d'autres que cela sont mécréants, mais je ne dis pas que cela sont mécréants. Il les a donc jugés musulmans, car il n'y a aucun intermédiaire entre l'islam et la mécréance. S'ils ne sont pas mécréants, c'est qu'ils sont musulmans. De ce fait, il a donné à l'islam le nom de mécréance et donna aux mécréants le nom de musulmans. Et c'est donc un mécréant.